de faire face au regard des gens. Pas confiant parce que je suis différent. Mes parents pleurent car je refuse de jouer avec les autres enfants. Je connais plus ces hôpitaux que ma propre maison. Comment fais-je pour garder la raison? Depuis des années je vois défiler les traitements comme les saisons. Ma maladie est rare et demande des soins particuliers. Quand j'en parle bien souvent j'ai du mal à articuler. Ne m'en voulez pas quand j'envie cette personne qui se plaint, car sa copine l'a quitté et qu'il n'est soi-disant pas bien. Des groupes de personnes récoltent des dons pour effectuer des recherches. Je vois tous mes espoirs remonter comme une flèche. Quand je vois tous ces gens se mobiliser pour mon problème, je préfère la chaleur d'un sourire que de lire dans les yeux de la peine. Où je sais, mon cas est difficile à traiter, nous sommes pleins. Oui je sais, d'hiver comme été on se bat pour aboutir à mes soins. Il est vrai que je souhaiterais qu'on m'accorde une trêve, mais pour le moment mon tueur a besoin d'une greffe. Donnez-moi ma chance, je souhaiterais vivre. Je souhaiterais être libre. Donnez-moi ma chance, je ne veux plus être sur la liste. Mon cœur aurait besoin d'être remis en vie. Help, help, j'ai besoin d'eux. Help, help, j'ai besoin d'eux. Help, help, j'ai besoin d'eux. Pas montrer que je suis en état de tristesse. Les miens souffrent car elles sont souvent en stress. J'essaie de me battre tous les jours pour tenir cette promesse que je leur ai fait. Sache que c'est eux qui me donnent la force de tenir debout sans que je craque. Leur amour sincère me sert chaque jour pour ralentir la mort. Chaque jour est une guerre contre la violence et la vie. Moi aussi je rêve la nuit d'être comme Messi. Moi aussi je veux être épanoui comme les autres enfants, plutôt que de supporter à 8 ans ce foutu problème de grand. Moi aussi je veux être à la télé mais loin de ces reportages qui dénoncent la vie d'avoir pris la nôtre en otage. Moi aussi, je veux courir au galop sur la route du bonheur. Je veux pouvoir voir défiler le temps sans compter les heures. Il est l'heure de compter les gens concernés. Il y en a beaucoup, lui c'est moi, toi c'est lui et lui c'est nous. Je souhaiterais qu'on leur accorde une trêve et que nos cœurs battent pour les leurs en attendant une grève. Donnez-moi ma chance, je souhaiterais vivre. Je souhaiterais être libre. Donnez-moi ma chance, je ne veux plus être sur la liste. Mon cœur aurait besoin d'être remis en vie. Help, help, j'ai besoin d'eux. Help, help, j'ai besoin d'eux.